Ok, ok. DJ Dreska. Okay. Révolution sonore O et A. C'est pour Emergency Pop, ok? Ouais, ouais. Écoute ça. Y'a un. Rien à foutre du trône et du con qui est dessus. Je me fais bronzer les côtes, ouais, je crèche côté sud. J'avance en Inde et ma frère, mais à mon rythme. J'ai le temps, c'est pas l'épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête. C'est le fils qu'on dit que le ciel peut t'attendre. Sont pas prêts de voir mon fric, on fait tout sous le manteau. On sort des bootlegs. Fuck l'industrie quand je vois qu'ils signent chez Def Jam. Elle est loin l'époque des roots, neg et des fat flow. Ils disent faire du lourd, mais c'est loin d'être des fat Joe. Je suis resté à l'ancienne, pas de voix auto-tunée. Même si je serais jamais là pour le faire, t'as qu'à t'auto-sucer. Pas que d'eau dans le nez, je suis assez speed comme ça. D'ailleurs, pour y remédier, je perds de shit dans le bras. Je viens coller des volets façon pit sans prasse. Forcez de vous écraser comme quand le cockpit s'en c'est l'émergence de l'homme de clan. Alléluia, MC, si tu tiens pas un droit de faire bouilla. Roya, j'ai toujours un one shot sous la pompe. Dès que j'ouvre la bouche dans ta tronche, ça fait bouilla. C'est l'émergence de l'homme de clan. Alléluia, MC, si tu tiens pas un droit de faire bouilla. Roya, j'ai toujours un one shot sous la pompe. Dès que j'ouvre la bouche dans ta tronche, ça fait bouilla. Deuxième couplet, casse des analytics tout long. C'est New Yorkaise, ouais ça sonne Brooklyn Zoo. J'vis loin de la musique trash, j'préfère les bons vieux boom bap comme à l'époque des Reska. Merde, j'crois que j'ai le rookie blues. Indépendant, on s'en sort tout seul. Demande à Reno comment ça tape dans l'underground. Rien à foutre que mes lyrics soient parfois borderline. Quand la goutte fait déborder le vase, moi je dis overtime. Et comme j'ai pas ma langue dans ma poche et que personne ne dit que ce qui sort de ma bouche, je l'ai toujours max. Je sais qu'on met pas d'eau au mur les enculés. J'fais pas campagne pour eux, moi j'aime juste les afficher. C'est ça même l'essence du rap, mon pote. J'lâche un gros big up à Emergency Pop. Beaucoup rap et combien faut de flop, bébé. Je chie sur les obstacles, donc j'vis le froid. C'est l'émergence de l'underground. Alléluia, MC, si tu tiens pas un droit de faire bouilla. Roya, j'ai toujours un one shot sous la pompe. Dès que j'ouvre la bouche dans ta tronche, ça fait bouilla. C'est l'émergence de l'underground. Alléluia, MC, si tu tiens pas un droit de faire bouilla. Roya, j'ai toujours un one shot sous la pompe. Dès que j'ouvre la bouche dans ta tronche, ça fait bouilla. Les punchlines font mal, c'est des coups de crosse en bois. Les MC sont au chômage, font la queue au Pôle emploi. Le rap c'est Koh-Lanta, tout plein d'aventuriers. Dès que tu leur tournes le dos, ils se frottent les mains comme des curés. Te félicite quand tu fais le buzz et t'envoie te faire baiser quand tu les sollicites. Rien à foutre ma frère de toutes vos mimiques. Moi ce qui m'importe en vrai c'est de check le mic. Tant que j'aurai la hip-hop vibe, fuck le reste. La vie file comme une balle, demande à Kurt Cobain. On tape comme des chiens pour survivre, faut de l'oseille. Y'a que sur les princes et les princesses que tombent des pluies violettes. Alors on fait les choses même si on s'enrichit pas. Y'a plus de l'abbé Pierre que de Rockefeller dans le peur. Alors je reste en underground même si c'est une voie de garage. Les vrais sont avec moi mec, mets-toi à la fois. C'est l'émergence de l'underground. Alléluia, MC, si tu tiens pas un droit de faire bouilla. Roya, j'ai toujours un one shot sous la pompe. Dès que j'ouvre la bouche dans ta tronche, ça fait bouilla. C'est l'émergence de l'underground. Alléluia, MC, si tu tiens pas un droit de faire bouilla. Roya, j'ai toujours un one shot sous la pompe. Dès que j'ouvre la bouche dans ta tronche, ça fait bouilla.